de la mauvaise herbe qui exaspère et qui agace. Compte pas sur moi pour être le dindon de ta face. Je suis de la mauvaise herbe qui contamine et ça t'agace. Compte pas sur moi pour raquer les bêtises des actionnaires que l'argent infantilise. Nos vies sont esclaves de leurs profits. On les pouponne, ils se pavanent et le peuple subit. La noblesse se porte à son aise si elle lui suffit de se courber et de mirer à volonté. Les miettes que l'on ramasse, inégale répartition des richesses dans nos assiettes. Non, ils s'égosillent de plans sociaux, les chefs en catin, les rentiers, leurs macros. Les prolos sont des quillets devant Stopo. Les bobos gloussent comme des jeunes filles et j'affûte mon couteau. Compte pas sur moi pour être le dindon de ta face. Je suis de la mauvaise herbe qui exaspère et qui agace. Compte pas sur moi pour être le dindon de ta face. Je suis de la mauvaise herbe qui contamine et ça t'agace. Compte pas sur moi pour un vote pratique. Les sondages dictates sont antidémocratiques. Tic-tac, droite, gauche, la problématique. Non patrie, non patoche dans la finance autocratique. Du social au pourri jusqu'à la moitié pour flatter son ego. Fait bon dos capital à la facho qui par son nationalisme donne le barreau à quelques royalistes. Y'a nos libéraux, nos mobiles velours. Regardez comme ils brillent par un pied dans le smoking. Ça décomplexe, affichant la Rolex, massacrant l'acquis sociaux. Tu le vis bien mon salaud. On l'attend au tournant, votre plan austère, votre piteuse âme. Standard and Poor's nous promène pour réduire la dette. J'ai une idée pas bête, chercher les euros dans vos belles palettes. Compte pas sur moi pour être le dindon de ta face. Je suis de la mauvaise herbe qui exaspère et qui agace. Compte pas sur moi pour être le dindon de ta face. Je suis de la mauvaise herbe qui compte sa mine et ça t'agace, ça t'agace. Pour alimenter la haine, on a des cœurs gros comme des baleines. J'héberge l'étranger avec ou sans papier. On s'épaule et si t'es chaud, passe donc à l'apéro. Tu saisiras la chaleur des paroles de donneur, de petit bonheur, de toutes les couleurs. Tu saisiras la chaleur des paroles de donneur, de petit bonheur,